trouver sur le net. Paris est racheté par LVMH parce que c'est la ville du luxe. Cannes est racheté par la Warner parce que c'est la ville du cinéma. C'est vraiment 2040, c'est une anticipation très proche, c'est une société ultra-libérale. C'est-à-dire que je pousse ce que le néolibéralisme est en train de faire aujourd'hui dans nos villes notamment. Et j'imagine que les villes tout simplement tombent en faillite parce qu'elles empruntent sur le marché bancaire. Les villes en fait les plus intéressantes sont rachetées par des multinationales. Paris est racheté par LVMH parce que c'est la ville du luxe. Cannes est racheté par la Warner parce que c'est la ville du cinéma. Lyon, c'est la capitale de la gastronomie, donc c'est Nestlé qui s'y colle et ça devient Nest-Lyon. Et dans ces mondes-là, comme le libéralisme ne veut jamais faire payer d'impôts, ce qu'il fait, c'est qu'il fait payer les forfaits. Donc il y a un forfait standard, premium, privilège. Et si vous êtes standard, vous avez accès qu'à 50% des rues de la ville, des avenues, des squares, des parcs. Donc vous allez dans les squares bondés, vous circulez dans des rues qui sont évidemment saturées de trafic. Mais si vous êtes privilège, vous avez accès à 100% et du coup, vous passez par les endroits que personne, que personne n'emprunte. Vous avez des parcs assez libres pour vos enfants. Donc c'est pour montrer voilà, ce que cette privatisation de l'espace, qui est propre au capitalisme actuel, peut produire en tout cas. Des villes qui sont saturées de capteurs dans les poteaux, dans les poubelles. Et ces capteurs servent à prélever de l'information sur vous et à vous proposer dans l'espace réel des pubs personnalisées qui vous correspondent. C'est-à-dire que vous êtes là en train de marcher tranquillement, vous enfoncez comme ça une dalle sensitive. La dalle mesure que vous chaussez du 42, que vous avez un peu vous avez tendance à être pronateur, donc il vous propose des chaussures de jogging qui correspondent exactement à ce que vous êtes et vous les voyez dans la vitrine 30 mètres plus loin où vous voyez habillé d'un nouveau t-shirt qui vous irait tellement mieux ou d'une nouvelle coupe de cheveux chez le coiffeur qui passe, etc. Donc j'essaie de montrer comment cette personnalisation extrême du marketing va finir par nous envelopper avec un côté très très doux, très souple, très très chouette on va dire, mais qui est bien sûr parfaitement contrôlé et parfaitement aliénant aussi quoi. S'il y a mutation du régime, voilà, imaginons que l'extrême droite passe ou que ça se durcisse, toutes les données que ces systèmes collectent aujourd'hui et qui sont, j'ai envie de dire, uniquement utilisées pour nous manipuler sur l'acte d'achat, pourront être utilisées contre nous, voilà, pour nous emprisonner parce qu'on est homo, parce qu'on est trans, parce que on est juif, parce qu'on est arabe, parce qu'on correspondra pas à la norme que ce système voudra mettre en place. Donc c'est extrêmement dangereux à terme qu'on délivre autant d'informations sur nos vies privées, sur ce qu'on est, qu'on laisse autant de traces. La science-fiction permet beaucoup de choses. Elle permet, un, de poser ce qu'on appelle des anti-utopies ou des dystopies, c'est-à-dire des mondes cauchemardesques, des mondes vers lesquels on n'a pas du tout envie d'aller. Donc ça, c'est un rôle d'alerte de la science-fiction. C'est pour dire, attention les gars, si on n'y fait pas attention, si on laisse ce qui est potentiellement en œuvre aujourd'hui, voilà vers quoi on va. Est-ce que c'est vers là que vous voulez aller? C'est très ancien dans la science-fiction, elle a toujours procédé là-dessus. Et puis il y a un rôle que moi j'appelle un rôle utopique, ou en tout cas d'avenir désirable, où tu mets en place des futurs désirables, des futurs chouettes, des futurs dans lesquels ce qui déconne dans le système actuel serait dépassé, quoi. Donc là, par exemple, sur les furtifs, je mets en place ce qu'on appelle des zones autogouvernées, c'est-à-dire des espaces dans des îles sur des fleuves, des îles type Ouessant, Groix, Porquerolles, etc., dans lesquelles on développe des nouvelles formes de vie, où le capitalisme n'est pas dominant, où ça fonctionne avec le gratuit, par des dons, des trocs. Tout ça, c'est aussi la science-fiction qui doit proposer, le rendre possible, le scénariser, en disant voilà, là on peut aussi aller vers là. Voilà, voilà ce qu'on nous propose, mais voilà aussi vers quoi on peut aller. Micro. Est-ce ouvert. Que vous pouvez donner vos noms avant de commencer ou pas? Plutôt oui. Je m'appelle Laure Malcher. Il y a des gens qui sont anonymes aussi, hein. Je cherche absolument pas à savoir, c'est vraiment la discussion qui m'importe, quoi. Audrey Van Kerbergen. Voilà, enchantée, hein. Et nous, on se rencontre, je vais pas expliquer tous les tenants et aboutissants du pourquoi on se rencontre. C'est pas par votre biais direct, c'était par une autre personne qui m'a expliqué un peu qu'elle était, je ne sais plus comment on pourrait dire, elle accompagnait, voilà, c'était accompagnait des projets d'agriculture urbaine Et du coup, j'avais fait, oh, ça m'intéresse. Et cette personne-là n'est pas là. Et donc voilà, on part un peu à l'aventure, comme ça, sans vraiment du tout s'être jamais vu. Et du coup, on va parler de ce centre d'appui de l'action co-créate. C'est un grand titre. Hein. C'est comme ça que ça s'appelle le centre dans lequel on est. Qui veut commencer ? Oui, c'est le centre d'appui de l'action co-créate, parce qu'effectivement, on appuie, on accompagne des projets qui sont financés dans le cadre de l'action co-créate. L'action co-créate, c'est une action financée par Innoveris. Innoveris, c'est l'organisation de la région bruxelloise qui s'occupe, qui finance tout ce qui est innovation et recherche. Donc à Bruxelles. Et donc ils ont différents types d'appels, différents moyens de financement. Et un de ces moyens de financement, c'est cette action co-créate qui existe depuis 2015. Et voilà, donc nous, on travaille pour ce centre d'appui parce que voilà, c'est une mission un peu particulière, vous allez voir. Mais 2015, en fond, ça fait pas longtemps, hein? Que ça existe alors du coup. Mais vous, sans rentrer dans... Si vous voulez pas le dire, vous le dites pas, mais c'est quoi votre étiquette, c'est quoi votre formation, c'est quoi votre bagage en fait pour travailler dans cet endroit ? On a des profils fort différents en fait dans l'équipe. Parce que comme c'est une action, mais on va peut-être y venir dans une minute, hein, mais comme c'est une action qui vise à rassembler, à faire travailler ensemble des personnes de milieux professionnels fort différents, bien dans le centre d'appui lui-même, en fait, on reflète cette diversité. Vous êtes des psychologues. Ce que j'ai lu, c'est vrai, là, sur la porte d'entrée. Ah, c'est oui, juste ou c'est pas juste, c'est n'importe quoi. Ici, on n'est pas chez nous. Ici, on est dans un organisme physiquement là, on n'est pas chez, on n'est pas dans nos bureaux. Mais il y a une psychologue dans l'équipe, effectivement. Sinon, il y a des Audrey, bah, toi tu es chercheuse universitaire. Moi, je viens plutôt du monde associatif. Puis on en a qui sont plus dans le travail d'accompagnement social. Et puis on a même une ingénieure. Donc voilà, on a des profils effectivement sciences sociales, sciences exactes. Un peu de tout, des expériences en tout genre. J'ai oublié ton prénom. Audrey. Audrey, Laure. Laure, tu as envie de dire quelque chose sur ce que vient de dire ta collègue ? C'est pas obligé, hein, si t'as rien à dire. Mais je ne vois pas ce que je pourrais compléter de plus. Ah bah c'est toi qui vois, hein. C'est pour être dans une démarche de... un peu... Ben on va démarrer alors. Vous accompagnez, on est bien d'accord. Vous n'êtes pas les bailleurs de fonds, parce qu'à la base, j'avais cru que j'allais avoir affaire aux bailleurs de fonds. Donc vous accompagnez des projets qui ont déjà été décidés à la base. Alors est-ce que vous savez le pourquoi du comment cette décision est prise, ou bien vous n'êtes absolument pas au courant de ça ? Vous avez compris ? Oui, j'ai compris la question. Tu veux... Vas-y. Mais donc l'action co-create, c'est une action qui existe depuis 3 ans, qui rentre dans sa 4e année. Et c'est une action qui finance spécifiquement des projets qui font de la co-création. Donc c'est une méthodologie de recherche particulière, qui s'appelle méthodologie de recherche action participative ou co-création, dans le champ de la résilience urbaine. Et donc c'est un appel, somme toute, assez classique, de subventions où les projets qui rentrent dans ce champ de l'action, co-création et résilience urbaine, soumettent une proposition de projet à Innoveris qui, à travers tout un processus de sélection, va décider quel projet rentre vraiment dans le champ de l'action et est pertinent de financer et est bien monté, bien ficelé. Je suis désolée parce que je chipotais un petit peu, mais... On peut être plus simple, hein, parce que sinon on va se... Donc moi, ma question de départ, c'était... est-ce que vous connaissez les tenants et aboutissements du fait de financer un projet ou pas ? Donc ça, c'est pas du tout votre secteur. Hein, c'est plus haut que ça se passe, ou sur le côté, ou en bas, ça dépend. Donc avant que vous travailliez pour accompagner... Il y a des personnes qui ont décidé si ce projet-là était plus valable qu'un autre. Est-ce que vous connaissez les critères, quoi, voilà, en gros. Ben, c'est ce que je viens de... Oui, mais j'ai, excuse-moi, j'étais occupée à chipoter à... Donc, tu veux que je réexplique ? Donc, c'est parce que donc, c'est une action qui se focalise sur le champ de la résilience urbaine. Et donc, c'est une méthodologie de recherche co-création, recherche participative. Et enfin, j'entends bien, mais je comprends... Enfin, ouais. Peut-être être plus concret, quoi, plus concrète. Donc, tu veux savoir ce que c'est la résilience urbaine ? Et oui, parce que sinon, enfin, les mots qui... Moi, je suis complètement larguée, en fait, j'avoue. D'accord, mais j'avais pas compris que tu me demandais d'expliciter c'était quoi la résilience urbaine. Mais donc, la résilience urbaine, c'est l'idée de comment est-ce qu'on peut augmenter la capacité d'adaptation de Bruxelles, de la région bruxelloise, face aux changements qui vont survenir. Donc, c'est parfois ce qu'on désigne un peu par le terme développement durable. C'est l'idée qu'il va y avoir des changements. Ça peut être des changements climatiques, des changements de population, des changements, il y en a qui citent la fin du pétrole, etc. Et donc, en anticipant tous ces changements de société qui vont survenir, comment est-ce qu'on peut faire des projets de recherche qui permettent de trouver des solutions un peu à ces changements qui vont potentiellement arriver. Et alors, je voudrais juste ajouter que ce qui est intéressant dans ces projets de recherche, justement, c'est que l'idée, c'est pas de dire à des universitaires... vous avez identifié que, par exemple, il y a un problème avec les sans-abri à Bruxelles et leur nombre risque d'augmenter. Donc, réfléchissez un peu à ce qu'on pourrait faire. Ils vont se mettre vraiment en situation de réfléchir avec les gens qui sont concernés. Et donc, les projets qui sont financés dans le cadre de cette action-là, en fait, c'est des projets qui essayent de résoudre, comme disait très bien Audrey, de résoudre les problèmes de la ville aujourd'hui, mais... De la ville de Bruxelles ? De la ville de Bruxelles uniquement, mais parce que c'est la région bruxelloise qui finance, mais avec les gens qui sont concernés. Et on essaye de mettre autour de la table les citoyens qui sont concernés par la question, les associations, les communes éventuellement bruxelloises qui sont concernées. Et donc tout ça, tous ces gens se remettent, réfléchissent à la façon dont ils vont vouloir résoudre le problème. Enfin, pas vraiment résoudre le problème, en fait. C'est réfléchir à des pistes. Qu'est-ce qui pourrait être fait ? Parce que ce sont des projets de recherche, quand même. Et puis, peut-être que d'autres, après, vont réellement réaliser ce qui a été testé. Mais il faut d'abord tester, quoi. Et puis le résoudre, peut-être aussi. Et puis le résoudre aussi. Et donc, c'est vrai, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la résilience urbaine, comme disait Audrey, c'est le fait de pouvoir se remettre d'un choc. Et des chocs, on sait qu'on va en avoir pas mal dans les années à venir. Mais donc, c'est extrêmement diversifié. Ça veut dire que dans les projets qui vont être financés, on va en avoir qui réfléchissent sur les problèmes des inondations à Bruxelles, dans certains quartiers qui sont systématiquement inondés. Et en fait, on impose parfois des solutions qui viennent un peu d'en haut et on ne demande pas souvent aux gens ce qu'ils en connaissent, ce qu'ils savent, alors que le savoir citoyen, c'est important. On va avoir des questions plus liées aux relations entre les communes et les citoyens, ou bien on va avoir des projets qui vont être sur les déchets organiques. Bref, ça peut vraiment couvrir des champs très, très diversifiés, quoi. Chaque fois qu'on imagine qu'un problème pourrait encore s'aggraver dans le futur et que vraiment ça empêche la ville de fonctionner, il y a des choses qui empêchent la ville de fonctionner, les gens peuvent proposer un projet. Oui, c'est les gens qui peuvent proposer un projet à ce co-create, quoi. C'est ça, en gros, hein. Non, donc on prononce co-create, parce que ça vient de l'anglais co-create. Et donc, ce ne sont pas des gens, ce sont des consortiums, ce qu'on appelle des consortiums de partenaires, dans un jargon. Donc, en fait, c'est des gens qui doivent se mettre ensemble, et souvent, ce ne sont pas des individus, ils passent via des institutions ou des associations. Donc, typiquement... Un projet co-create va rassembler, par exemple, des chercheurs d'un laboratoire de recherche universitaire et puis des chercheurs ou travailleurs sociaux ou acteurs de terrain d'une association ou de plusieurs associations, parfois des collectifs de citoyens bénévoles. Et donc ça, c'est un peu le profil typique des projets co-create. Mais ça, c'est un peu votre job, alors, c'est de créer du lien entre tout ce monde-là. Non, parce que ça, les projets, enfin tout ce monde-là, comme tu dis, ils se constituent en consortium et c'est eux qui présentent le projet. Et donc nous, comme on disait au début, en fait, on n'intervient pas dans cette phase-là. Nous, on intervient une fois que les consortiums existent et que donc on travaille à faire des liens entre les projets. Ça, oui, parce que c'est important qu'on ne réinvente pas toujours la roue et que ce sont des projets qui sont vraiment pas évidents parce que la co-création, le fait donc de travailler ensemble, chacun avec sa spécificité, chacun avec son savoir, hein, qu'il soit universitaire, qu'il soit citoyen, qu'il soit de type politique ou associatif, on, voilà, c'est important de reconnaître les différents types de savoirs et les valeurs de ces différents savoirs pour trouver une solution innovante à un problème. Mais donc, les problèmes qui se posent, bien, il y en a certains qui se posent, par exemple, sur la question de l'eau, comme je disais tout à l'heure, mais ça peut servir comme expérience pour des projets qui travaillent sur une autre thématique. Et donc, nous, on crée ces liens-là entre les différents projets, oui, pour essayer de faire en sorte que ben leurs 3 ans, hein, parce que les financements, c'est 3 ans, leurs 3 ans de projet ben, se passent de la façon la plus fluide possible et qu'ils puissent trouver réponse à leurs questions. Et donc, en fait, on aide aussi, c'est vrai qu'on aide aussi les projets en interne. Donc, c'est-à-dire que ces gens se retrouvent à travailler ensemble, ils ont obtenu le financement, ils sont officiellement partenaires. Donc, on a une association, un labo universitaire, un collectif de citoyens, ils sont partenaires dans le projet. Ils ont 3 ans pour réaliser quelque chose ensemble. Et c'est vrai que c'est des manières de travailler qui ne sont pas habituelles. C'est des manières de faire de la recherche qui sont assez nouvelles et qui soulèvent un tas de questions, de défis, de challenges sur comment travailler ensemble avec autant de visions, de points de vue différents, de oui, comme l'a dit déjà Laure aussi, de vocabulaire. Et pourquoi c'est nouveau ? Pourquoi c'est nouveau en fait ? Parce que les gens se rencontrent en direct, quoi. C'est ça, c'est pas mis en pyramide, quoi. C'est ça ? Plutôt à l'horizontale. Oui, c'est ça. On pourrait dire que c'est parce que avant, enfin, je veux dire, de manière le plus couramment possible, le plus cool. Enfin, de manière générale, un projet de recherche, la dimension recherche est vraiment portée par les chercheurs. Et puis alors, les chercheurs, ben, en fonction de la thématique de recherche, peuvent éventuellement enquêter sur des acteurs de terrain, sur une situation concernée. Mais il n'y a pas l'idée que les acteurs de terrain vont faire vraiment partie du projet dès le début. Donc c'est l'idée de... On va travailler sur, un projet de recherche sur le maraîchage urbain. Ben, c'est pas des agronomes qui vont définir les questions de recherche, la méthodologie de recherche, et puis aller enquêter auprès des maraîchers. L'idée, c'est que des maraîchers ou un collectif de maraîchers va être présent comme partenaire du projet dès le début. Et donc, tout le monde ensemble va définir, ben, ça va être quoi les questions de recherche, c'est quoi qu'on va chercher, comment on va procéder. Et c'est avec l'idée, et je crois que c'est un peu tout l'intérêt de ce type de projet, c'est l'idée que du coup, si les questions de recherche sont vraiment aussi co-construites avec les acteurs concernés de terrain, elles vont vraiment avoir un intérêt pour la ville, pour la population. C'est pas des questions que les chercheurs ont pensées tout seuls dans leur laboratoire, c'est quelque chose qui répond directement aux besoins des gens. Et donc ça, c'est assez... nouveau, en tout cas, enfin, ou moins habituel que les acteurs, on va dire, non-chercheurs, soient vraiment partenaires de projets impliqués au même titre, en fait, que les chercheurs. Moi, j'avais un exemple comme ça d'architecte qui, pour savoir comment redessiner des endroits dans la ville, par exemple, proposait aux gens de cet endroit de venir discuter 2 soirées pour savoir comment eux, ils voyaient les choses. Et après, c'est pour simplement, ça va rebondir avec ce que vous vous êtes occupé à dire, et qu'après, ben, la décision finale, ça s'est pas du tout passé comme les gens le voulaient, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que la forme est peut-être différente, c'est vrai, ben, il y a une volonté en tout cas de faire différent, c'est ça que j'entends de votre part. Mais après, dans le fond, c'était une première question, ça, c'est dans le fond, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de changer les choses ? Et on va commencer comme ça, sinon... Oui, parce que ce que tu décris, c'est intéressant, parce qu'effectivement, je pense que souvent, la participation, c'est ça. C'est un groupe de professionnels invite des citoyens, leur demande leur avis, et puis ils retournent chez eux et ils en font ce qu'ils veulent. L'ambition ici, c'est précisément que les citoyens ils soient là non seulement à ce moment-là, mais également à la phase d'après, quand on décide, bah, tiens, finalement, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et si on essayait autre chose, et ils participent pas forcément toujours à tout, mais ils participent à tous les grands moments de la vie du projet. Alors ça, c'est l'ambition. Alors après, dans la réalité, c'est effectivement un des défis hein, de ces projets co-create, c'est que c'est vraiment pas facile quand on a des gens d'univers très différents, comme on le disait avant, d'arriver à vraiment construire ces projets ensemble. En plus, c'est tellement ancré. Je pense que c'est culturel, le fait qu'il y a des gens qui savent certains types de choses, d'autres qui suivent. Et donc, c'est ça que Innoviris, à travers cet appel, essaye de casser, d'essayer de construire autrement. C'est de pousser vraiment les porteurs de projets, ceux qui se lancent là-dedans, à dire, mais il faut, c'est pas seulement une question d'horizontalité, c'est vraiment essayer de donner du poids à la réflexion de chacun en fonction de ce qu'il peut amener, et que la co-création, c'est le résultat de ce que chacun peut amener, sa pierre à l'édifice finalement. Et donc certainement pas faire de l'extraction de données, comme on dit, ou ton exemple, juste aller voir, demander aux gens ce qu'ils en pensent, et puis hop, on repart. Ça non, mais c'est sûr que c'est un défi au quotidien pour les projets hein. C'est loin d'être simple. D'où du coup l'idée que Innoviris a eue de mettre sur pied et de financer un centre d'appui pour l'action co-create, qui est donc notre équipe, parce qu'il s'est rendu compte que ça soulève plein de défis, de questions, comme dit Laure, et qu'il y a peut-être besoin d'un accompagnement. Et c'est là que prend le sens en fait de notre existence et quel est notre rôle. C'est justement de pouvoir aider les projets, donc soit dans un volet un peu accompagnement individuel, des difficultés qu'ils rencontrent, d'éventuellement leur donner un peu des pistes sur comment procéder, les aider là-dedans, mais aussi, comme l'a déjà dit Laure, de créer des liens entre les projets, se disant, mais en fait, il y a d'autres projets que vous qui travaillent aussi de la même manière, qui rencontrent les mêmes types de difficultés et qui ont peut-être aussi eu des idées, des solutions, qui ont eu la créativité de mettre des choses en place et qui peuvent peut-être vous inspirer. Et donc, c'est de voir comment est-ce que les projets peuvent s'inspirer les uns des autres et comment est-ce que nous, avec une certaine expérience, on peut aussi donner un peu des inputs au projet, les soutenir dans leurs réflexions, leurs démarches face à leurs difficultés et leurs challenges, pour essayer justement que ce mode consortium de partenaires, travailler ensemble, fonctionne le mieux possible et qu'on ne reproduise pas les asymétries habituelles où, en fait, les chercheurs, parce que ils ont plus d'assurance ou un certain type de connaissances, etc., ou plus facile à parler, vont reprendre une forme d'ascendant, de domination sur le projet. Et voilà, donc ça, c'est un des sens de notre existence, quoi, en tant que centre d'appui. Et on peut peut-être donner un exemple concret d'une chouette... d'une rencontre entre deux projets pour s'inspirer. On a un projet qui s'occupe précisément de celui dont je parlais tout à l'heure sur les inondations à Bruxelles. Mais c'est évident que dès qu'on touche la question de l'eau, très rapidement on arrive à la question politique, de comment est-ce qu'on gère ça. Ce sont les communes qui sont responsables d'éventuellement créer des bassins d'orage ou de gérer le problème des inondations. Donc vite, on sort du niveau strictement recherche pour dire si on veut essayer quelque chose, en fait, on ne peut pas avoir une autorisation pour, par exemple, recréer une rivière sans demander à la commune. Mais ce n'est pas simple d'aller vers sa commune et de dire, nous, en fait, on a une super idée, les citoyens sont d'accord, les hydrologues sont d'accord, les associations sont d'accord, mais il faut que vous donniez l'accord pour le faire réellement et pour le tester, parce qu'on ne sait pas si ça va marcher, en fait. Et donc, cette question du lien au politique, ce projet se posait pas mal la question de comment interpeller les responsables, comment leur montrer qu'il y a moyen de faire autrement que ce qu'ils font d'habitude et que eux ont des pistes. Et donc, ils ont interpellé un autre projet qui travaille sur les déchets organiques. Hein, donc, le fait qu'ils se sont rendus compte qu'on jette dans la région bruxelloise 80% des déchets, donc des déchets organiques, c'est par exemple tous les déchets de cuisine, hein, on les brûle. Alors qu'en fait, ça, c'est du potentiel compost, ça peut nourrir les terres à l'extérieur de la ville. Et donc, c'est vraiment bête d'aller brûler autant de bons nutriments, on va dire. Et eux aussi, évidemment, la question politique, elle intervient tout de suite. Si on veut installer un bac à compost dans une rue, bien, il faut l'autorisation de nouveau de la commune. Et si on veut changer certaines réglementations en matière justement d'utilisation du compost, il faut aussi. Alors là, c'est pas la commune, là, c'est carrément au niveau de la région. Et donc, eux, en fait, ils ont inscrit cette question de la relation en politique dès le départ. Quand tu dis eux, le projet sur la gestion des déchets. Ils ont donc inscrit ça dès le départ, et donc depuis le départ, ils ont mis en place des stratégies pour aller interpeller tel et tel responsable politique, Bruxelles Environnement, les cabinets, etc. Et donc, on a fait une rencontre entre le projet lié à l'eau et le projet sur la gestion des déchets, en disant, bah, tiens, tous les deux, vous retrouvez face à cette nécessité d'interpeller nos responsables, les administrations ou directement les politiques. Voyons un peu qu'est-ce qui cale chez l'un, qu'est-ce qui a bien fonctionné chez l'autre. Et voilà, donc ça, c'est le genre de croisement que nous, on peut orchestrer pour faire en sorte que bah, chacun reste pas dans son coin. Parce qu'ils ont pas forcément, les projets n'ont pas forcément l'énergie encore à dépenser, en plus de tout ce que ça leur demande de faire cette recherche, d'aller voir un autre en disant « Ah tiens, on a réussi un chouette truc, est-ce que vous voulez en bénéficier ?» Non, c'est plutôt nous qui, ayant une vue un peu à distance et transversale, pouvons dire bah, « Tiens, ce projet-là, il a un problème. L'autre, il me semble qu'il a bien réussi. » Et hop, on les met en lien et ça peut fonctionner, quoi. Voilà, c'était pour avoir un exemple un peu concret. Et moi, j'avais envie de dire, et quoi, donc ils se mettent ensemble pour aller faire des demandes, c'est ça que je comprends ? Non, pas spécialement. Déjà, pour échanger les façons de faire. Et donc, tiens, c'est simplement déjà entre les deux, trois responsables de se dire de chacun des projets. Mais en fait, nous, on a ça comme problème. Est-ce que vous avez rencontré la même chose ? Un échange de bonnes idées, de bonnes pratiques, en fait. Et après, chacun retourne dans son projet et continue à gérer ça, inspiré par l'autre ou pas. Mais non, les deux projets ne vont pas, après ça, travailler ensemble. Forcément. Non, c'est pas ce que je disais, mais en tout cas, l'idée, c'était d'aller rencontrer le pouvoir au-dessus. On va dire ça comme ça, on va donner cette image-là. Et quoi ? Et il y a une suite à ça, de ces projets très concrets ou pas ? Est-ce que ça, il y a déjà... Parce que tu donnes cet exemple-là. Tu dis, ben voilà, la difficulté, c'est aussi d'aller faire la demande plus haut pour que ça soit dans du concret. Mais est-ce que ça s'est fait ? Est-ce que ça a été au bout ? Ça s'est fait. En tout cas, dans le projet gestion des déchets, eux, clairement, ça s'est fait et ça se fait. Et donc, ils sont en phase de faire réfléchir les administrations responsables de tout ce qui est environnement, principalement, et gestion des déchets pour que la législation s'assouplisse un petit peu, pour pouvoir permettre d'autres façons de fonctionner que simplement les ramassages tels qu'ils existent actuellement et les dépôts dans les incinérateurs, par exemple. Et pour du côté de l'eau aussi, ils sont en train de mettre ça en place dans différentes communes. Okay, voilà. Okay. Donc oui, ça, clairement. C'est un peu plus flou. Vous pouvez prendre d'autres exemples, tu disais ? Mais un exemple aussi de, puisque ta question portait aussi sur voilà, est-ce que du coup ça aboutit, je repense au projet qui avait commencé en 2015. Donc c'est des projets de 3 ans, donc c'est des projets qui maintenant viennent de terminer, en fait. Et c'est des projets qui portaient sur les systèmes alimentaires justes et durables à Bruxelles. Et donc, par exemple, il y a des liens qui ont été faits avec la stratégie Good Food. Donc nous, on a organisé une rencontre, justement, mais c'était à la demande aussi de Good Food, entre les porteurs, l'administration qui s'occupe de la mise en œuvre de cette stratégie et les projets de recherche sur les systèmes alimentaires justes et durables, où il y a pu avoir toute une série de discussions, pistes d'action sur comment... améliorer la stratégie Good Food. Oui. Donc en fait, c'est venu à l'évaluation à mi-parcours de cette stratégie, où vraiment il y a eu une envie de la part de l'administration d'impliquer les projets co-create pour éventuellement nourrir, réorienter un peu leur stratégie pour les années à venir. Mais c'est quoi la stratégie Good Food ? Parce que... la stratégie Good Food, donc... Good Food, du coup, hein. Oui, on appelle ça la stratégie Good Food. Mais donc, c'est une stratégie régionale qui a été mise en place pour, on va dire, de manière assez large, améliorer les systèmes alimentaires à Bruxelles. Donc, c'est pour une alimentation juste et durable à Bruxelles. Et donc, c'est financé par, c'est financé aussi par la région. C'est, ça veut dire quoi, juste et durable? Parce que ça devient des mots, tu sais, peut-être tu dis, hein, tu peux m'envoyer péter, mais on entend, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, juste et durable? Ben, juste, c'est-à-dire avant tout accessible à tous et à toutes. Durable, c'est... je pense que c'est dans cette idée de notion de résilience, quoi. Donc, un système résilient, c'est un système qui va pouvoir être plus souvent, c'est plus autonome, c'est plus respectueux de l'environnement, c'est des dimensions qui vont permettre au système de perdurer dans le temps. Mm-hmm. Ce sont des systèmes, je veux dire, c'est le fait de se nourrir aujourd'hui en pensant que demain il y en a d'autres qui vont devoir se nourrir aussi et que donc il ne faut pas épuiser les terres. Il faut faire en sorte que ce soit dans une pensée un peu plus à long terme. Ouais, si on peut donner des exemples très concrets, donc ces projets qui portaient sur les systèmes alimentaires justes et durables, il y en a qui portaient justement sur augmenter l'accessibilité de l'alimentation de qualité vers des publics précarisés. Donc par exemple, un projet qui a travaillé avec des demandeurs d'aide alimentaire, donc des personnes qui recevaient des colis d'aide alimentaire. Comment est-ce qu'on peut, voilà, proposer des colis d'aide alimentaire aussi de meilleure qualité? Ou un projet qui portait sur une épicerie coopérative, la Biscope, qui est assez connue à Scarbeck. Et ils sont partis du constat que c'est une épicerie qui est implantée dans un quartier à haute mixité sociale et culturelle, et que c'était quand même un certain type de public qui allait dans cette coopérative. Et donc, leur question, c'était comment augmenter la mixité sociale dans notre... dans notre coopérative, l'idée de comment est-ce que les coopérateurs peuvent refléter la mixité du quartier. Et donc, il y a eu tout un travail, justement, avec des populations qui étaient moins représentées à la Biscope, de voir comment, voilà, c'est quoi les freins, pourquoi est-ce que ce genre de personnes ne vont pas dans ce type de supermarché, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent évoluer pour qu'elles se sentent aussi concernées, que ce soit aussi leur supermarché, puisque c'est un peu l'idée d'un supermarché coopératif. Donc ça, c'est des dimensions, on va dire, d'accessibilité. Il y avait des projets qui portaient sur le maraîchage urbain, sur comment avoir des systèmes de production, par exemple, sur très petites surfaces, puisqu'en ville, souvent, les surfaces sont très petites. Comment améliorer ces systèmes de production, le fait qu'ils soient justement durables. Aussi, la viabilité pour les maraîchers urbains, parce que souvent, c'est très difficile d'avoir une activité vraiment économiquement rentable, viable pour ces personnes, surtout quand elles démarrent. Donc, il y avait tout un parcours, enfin une étude sur les parcours d'aide à l'installation de ces maraîchers, sur comment procéder. Voilà, pour donner un petit peu des exemples de qu'est-ce qui rentrait dans ce champ de projet sur les systèmes alimentaires justes et durables à Bruxelles. Pour continuer dans les projets, parce que au moins c'est du concret, on comprend mieux, et un que vous préférez, c'est peut-être pas la bonne, un que, dans lequel vous trouvez que c'est vraiment... un projet très intéressant. Ils sont tous intéressants, évidemment, on l'a bien compris, hein, mais un pour lequel, où vraiment, là, il y a du concret, quoi. Où c'est prometteur, ou... Dans les projets prometteurs, franchement, oui, ils ont tous un potentiel super intéressant, parce que, vraiment, ils sont tous partis de constats, de choses qui ne fonctionnaient pas. Et donc, voilà, en effet, ils sont tous vraiment intéressants. Après, ça dépend de chacun quel genre de thématique il le touche, plus spécialement. Un projet très concret que je pourrais mettre en avant, c'est un projet justement qui travaille avec les sans-abri. En fait, eux, leur idée, c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait construire des logements très mobiles, très souples, très légers, pour des sans-abri qui pourraient se déplacer régulièrement. Donc, de voir, tiens, il y a plein de terrains, en fait, inoccupés à Bruxelles. C'est super drôle, je te coupe, mais ça fait vraiment, tu sais, comme si les sans-abri, on acceptait qu'il y avait des sans-abri, mais quand même, on leur trouvait une petite... Je titille, oui, hein. Oui, parce ça... que... Ça, après, effectivement, ça, c'est des questions qu'il faudrait poser au projet. Quelles sont les choses sur lesquelles les prérequis avec lesquels ils acceptent quand même de partir. Mais là, justement, précisément, c'est pour dire le sans-abrisme, c'est pas une fatalité. Et donc, il y a moyen d'avoir des logements pour ces personnes, des logements qui correspondent réellement à leurs besoins et pas juste de les mettre dans des centres pendant l'hiver et puis on s'en occupe plus. Ou bien, voilà, des structures qui correspondent, auxquelles ils n'ont pas spécialement donné leur voix lors de la conception et tout. Donc justement, eux, ils se disent il y a moyen de changer ça. Et une façon de le changer, c'est de se dire essayons d'occuper des espaces de la ville qui sont souvent vacants. Donc il y a des tas de terrains où il ne se passe rien pendant 5 ans, 10 ans, et puis après, oui, il va y avoir des constructions, mais en attendant, ce sont des terrains inoccupés. Et donc, dans ce projet-là, l'idée, c'était de faire travailler des architectes qui sont liés à une université et un groupe de sans-abri et alors une association qui est très proche des personnes précarisées qui connaît bien l'accompagnement de ces personnes-là et leurs besoins spécifiques et voilà pour faciliter aussi au niveau de créer du lien en fait entre ces différents univers. Et ils ont travaillé ensemble pour concevoir ces maisons. Et donc là, ils sont en train de finir ça. La difficulté qui se pose dans leur cas, c'est que ce n'est pas facile d'obtenir des terrains. Les communes ne lâchent pas facilement, même pour des expériences de ce type-là, ne lâchent pas facilement des terrains. Mais en tout cas, les maisons, tout le processus a eu lieu. Et les habitants, les futurs habitants ont vraiment... participer à toute la réflexion. Et donc, voilà, c'est un projet qui concerne ces huit personnes-là, qui sont pas des personnes qui sont au quotidien dans la rue. Hein. Déjà, ce sont des personnes qui ont fait un pas hors de la rue, qui sont donc dans des structures d'accueil temporaires. Mais l'expérience a été faite avec ces huit-là, mais ils ont appris des tas de choses de tous les côtés, du côté des architectes, de l'association et eux-mêmes. Et c'est une expérience qu'on pourrait, dans une certaine mesure, reproduire. C'est vraiment ça l'idée, de voir quels sont les freins, quels sont les leviers. Là, clairement, des freins, par exemple, c'est pas facile de trouver des terrains où placer ces maisons, il faut y travailler au niveau des obstacles juridiques. Par contre, un levier, c'est franchement, les habitants de ces maisons, de ces futures maisons, en fait, ils ne pensent pas du tout de la même façon que les architectes. Et c'est une évidence, mais quelque part, ça amène à des résultats qu'on n'a pas souvent, en fait. Et donc, ça demande peut-être plus de temps, mais au moins, on est sûr que ce sont des lieux qui vont être appropriés après. Et ça c'est important aussi, de ne pas avoir toujours des choses qui sont pensées par les autres pour nous. Et ça, c'est souvent un des résultats positifs de ces projets, c'est qu'on arrête de considérer qu'il y a des personnes qui sont plus capables que d'autres de penser pour tout le monde ou pour certaines catégories de personnes. Donc dans ce projet-là, c'est un bel exemple puisque c'est une catégorie de personnes à qui souvent on ne donne pas voix. C'est un chouette projet. Et ce qui est intéressant dans ce que Laure dit, c'est que c'est vraiment j'ai envie de réinsister sur la spécificité ici, c'est qu'on est dans des projets de recherche. Parce qu'on disait au début, tu as l'air de trouver ça un peu compliqué, mais je disais des projets de recherche-action participative. Comme elle a dit, l'action, c'est qu'on est vraiment dans une action concrète de terrain qui transforme la société. Comme dans ce cas-là, ça va être peut-être 8 personnes qui vont trouver des... qui vont pouvoir habiter dans ces logements qu'elles auront co-conçus avec des architectes. Mais ça, c'est la dimension action. Mais donc, ce ne sont pas des projets qui sont juste créer des changements dans la société, mais il y a la dimension recherche. Donc, c'est aussi vraiment comment est-ce qu'on peut tirer des enseignements de ça, des réflexions plus larges, des résultats qui vont pouvoir justement inspirer d'autres actions similaires à Bruxelles, ailleurs. Donc ça, c'est une spécificité aussi de ces projets-là et de l'action co-create, comparée à peut-être des initiatives parfois citoyennes ou associatives ou même, communales, régionales, avec cette dimension co-création, participation. On entend beaucoup parler, ça, hein, de la participation, de la co-création aujourd'hui, de faire les choses avec les usagers, les personnes. Et donc ici, c'est cette dimension-là, mais vraiment spécifiquement dans ce champ de la recherche, en fait. Et si je peux peux ajouter, du coup, c'est ça aussi qui crée une des grosses difficultés de l'action. Parce que ce n'est pas n'importe qui va pouvoir s'engager dans ce genre de projet. Dans le sens où, bien sûr, que tout le monde a envie de faire bouger certaines choses par rapport à certains volets de sa vie, hein, que ce soit les inondations, que ce soit ici de la maison pour les sans-abri ou autre chose. Mais comme ces projets-là, en fait, c'est surtout pour étudier qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne marche pas, et pas tellement de réaliser la chose en tant que telle, bien, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui n'ont pas envie de se mettre dans ce mode de pensée-là. On explore, et peu importe, quelque part, entre guillemets, si oui ou non on arrive au bout. Si on y arrive, c'est super. Si la maison, dans le cas des sans-abri, si on arrive à réellement avoir la maison qui est implantée sur le terrain, c'est super. Mais en fait, dans la tête d'Innoviris, le plus important, c'est surtout le chemin qui permet d'y arriver ou pas, et quelles leçons on en tire pour d'autres cas. Alors après, c'est évidemment à nuancer, dans le sens où forcément, les gens qui s'engagent, ils ont envie qu'il y ait une réalisation. Et donc, c'est ça qui fait que c'est très délicat, toujours, entre les gens qui s'engagent, qui donnent du temps pour réfléchir à quelque chose. Bah oui, et puis la beauté juste de la recherche. Voilà, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Mais c'est vrai que c'est une petite différence par rapport à tout le travail des associations qui va se faire dans un tout autre mode de pensée, quoi. Mais oui, vous parlez de la recherche, des projets, ça se recherche, on va dire ça comme ça, vous êtes d'accord, hein, les projets, ça se recherche, on essaye, on tente, mais il y a des choses aussi très concrètes, non? Parce que tu dis, on ne va pas jusqu'au bout, il n'y a pas de réalisation. Si, il faut forcément faire des réalisations pour pouvoir voir si ça fonctionne ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment l'expérimentation, l'exploration de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qui est intéressante. Alors après, évidemment qu'il faut passer par des phases de concrétisation. Mais par exemple, je parle de ça parce que parfois les projets, quand ils finissent, se disent « ben mince, enfin, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» avec notre projet, est-ce qu'Innoviris ne devrait pas penser à cet aspect-là aussi? Mais en fait, Innoviris ne finance pas après ça l'utilisation d'un bâtiment ou même le fait qu'une certaine activité, même si elle fonctionne très très bien, perdure dans le temps. En fait, c'est pas un bailleur qui, tu vois, c'est dans ce sens-là. Donc on réalise quelque chose, oui, mais dans l'optique d'explorer. Mais après, il faut effectivement qu'un autre bailleur, ou bien qu'il y ait des fonds propres, ou qu'en tout cas ça puisse perdurer d'une autre façon, quoi. C'est intéressant, hein, je te donne la parole après, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'allais poser la question un peu du business, puisqu'aujourd'hui on est toujours dans un monde de business, qui doit être rentable, rien n'est gratuit. Donc Innoviris, ça donne vraiment l'impression qu'ils font vraiment du coup de la recherche, quoi, avec ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas de suite après. Il n'y a pas de suite après les projets, quoi. Hein, c'est-à-dire que ça peut être évidemment, handicapant, parce qu'il n'y a pas de suite, ça veut dire qu'on a financé quelque chose comme ça, un peu dans le vent, dans l'eau. Vous voyez la double question? Mais en fait, Innoviris, c'est vraiment l'institut qui finance, l'organisme régional qui finance la recherche en région bruxelloise. Donc c'est vraiment leur spécificité de financer de la recherche. Oui, ta question est tout, enfin, ta réflexion est tout à fait juste. Pour compléter ce que Laure disait, pour donner un exemple encore plus concret, avec ces maisons pour les sans-abri, donc sur des terrains temporaires, on pourrait tout à fait imaginer qu'au bout des 3 ans, en fait, quelque part, le projet est foiré. C'est pas le cas, hein, mais je veux dire, on imagine, dans le sens où on n'a pas réussi à co-créer ces maisons avec les personnes sans-abri et à les implanter sur des terrains. Mais en soi, pour Innoviris, c'est pas un échec du projet. Parce que ça, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, de vraiment tirer les leçons de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, où sont les freins, peut-être que ce sont des freins juridiques, donc il y a des choses à faire changer au niveau de la juridiction, peut-être que c'était la difficulté d'impliquer ce type de public-là dans les projets et que donc il y a des choses à apprendre, et donc c'est tout ça aussi qui est valorisée. Et donc, il n'y a pas que la dimension résultat de l'action qui est valorisée, même si elle est importante. Et donc, c'est vrai que la suite des projets, qu'est-ce qui va perdurer après, c'est une question à laquelle on réfléchit beaucoup, à laquelle les projets Innoviris réfléchissent beaucoup aussi. Et c'est difficile parce que souvent, dans la recherche, on ne se préoccupe pas toujours de la suite. Enfin, sauf dans la recherche vraiment appliquée, mais voilà, on a des financements, on recherche, on produit un rapport de recherche. Et puis voilà, et puis on se dit c'est terminé. Et là, il y a vraiment une invitation d'Innoviris, et nous, on aide les projets aussi à rentrer dans cette réflexion de qu'est-ce qui va perdurer après notre projet. Et donc justement, même si on a produit un guide d'accompagnement pour les maraîchers, ou on a créé un kit sol, ou un guide pratique sur la mixité sociale dans les épiceries coopératives, vraiment penser aussi sous quelle forme il va être diffusé, comment il va être diffusé, et justement d'impliquer aussi des personnes qui vont pouvoir s'en emparer. Donc par exemple, déjà avant la fin du projet, par exemple, si on organise un événement de clôture ou de communication, de valorisation des résultats, faire venir peut-être d'autres personnes qui travaillent dans des épiceries solidaires ou des gens de l'administration Good Food, ou enfin, voilà, en fonction des projets, ce sont des acteurs différents, mais qui, eux, vont pouvoir justement, après, utiliser ces résultats pour vraiment les mettre en œuvre. Je ne sais pas si je suis claire, c'est vraiment cette idée que ces résultats ne vont, puisque les personnes dans le cadre du projet sont financées pendant 3 ans, ben souvent ce n'est pas elles qui vont pouvoir après vraiment mettre en œuvre. Et donc trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir les mettre en œuvre. Et ça, c'est tout un travail qui n'est pas habituel dans les projets de recherche et que de plus en plus on essaye de soutenir, quoi. Oui, parce qu'alors ça voudrait dire qu'on finance et puis qu'après ça tombe dans l'eau, plouf, quoi. C'est peut-être ça aussi, du coup, vous avez envie de dire, mais c'est trop bête, il y a trop de choses qui ont été positives ou autres, et du coup, ça fait un petit peu tout ça pour rien, quoi. Oui, il faut certainement pas que ce soit tout ça pour rien, et je pense que les porteurs de projets sont les premiers... à vraiment, vraiment y réfléchir normalement dès le début du projet. Et puis c'est aussi un travail que nous, on essaye de, comme disait Audrey, qu'on essaye de porter avec les projets, de les aider dans la mesure du possible à faire ça. Et puis bah, si les consortiums se dispersent à la fin des 3 ans, bien... il y a normalement toujours un endroit aussi où les différents résultats, que ce soit des textes ou des récits d'expérience, ou des témoignages, qu'on puisse les rassembler dans un endroit pour qu'éventuellement ça puisse inspirer la suite. Parce que donc, Audrey parlait tout à l'heure de l'année 2015 où ils ont travaillé donc sur les systèmes alimentaires justes et durables. À partir de 2016, ça a été la résilience urbaine, c'est toujours... aujourd'hui ça. La résilience urbaine, ça veut dire 1000 choses, c'est un immense mot, et il y a plein de façons d'améliorer la résistance de la ville de Bruxelles au choc et sa capacité à continuer à fonctionner, même s'il y a des perturbations de différents types, et donc c'est important que les projets sachent ce qui s'est fait. Et quelles ont été les pistes qui ont déjà exploré, hein. Quelqu'un qui travaillerait sur le soin à donner aux personnes âgées, par exemple, ben c'est important qu'il sache que 2 ans avant, même si c'est sous une question différente, sous un angle différent, mais qu'il y ait une utilisation qui puisse être faite des résultats, que les gens puissent se rencontrer. Voilà, et ça, je pense que bon, l'action est très jeune encore. Donc, comme on disait, c'est seulement maintenant la première année qui vient de se terminer. Donc, on a seulement un cycle qui s'est fini. Donc, je pense que ça va être le rôle du centre d'appui aussi, de faire de la transversalité au niveau d'une même année, d'une promotion, entre guillemets, mais aussi entre années. Et ça, on va pouvoir le faire de plus en plus. Plus nous aussi, on aura de bagages et on aura de vues sur ce qui s'est fait, plus on pourra aussi dire, bah, tiens, en fait, allez voir un tel... Mais eux-mêmes, en fait, les porteurs de projets, eux-mêmes, en fait, souvent, sont intéressés à rester dans le circuit. Hein. C'est rare que des gens viennent dans un projet co-créé. Et c'est d'ailleurs pas souhaitable. Et puis, en fait, mais sans rien y connaître. Parce que souvent, bah, soit ils viennent du monde de la recherche et ils arrivent avec leur bagage et ils s'enrichissent de l'expérience des autres, ou bien ils viennent du monde associatif et idem, et puis après, où qu'ils repartent, ils réenrichissent l'endroit où ils vont. Donc de toute façon, tout ça, ce n'est jamais de toute façon une recherche 3 ans et puis c'est fini. Même dans le pire des cas où vraiment tout le monde se disperserait, bah, il resterait quand même des choses. Donc voilà. Moi, je trouve important pour les gens qui nous écoutent, de dire que ben voilà, il y a quand même depuis 2015 comme ça de la recherche, un fonds qui est là, des choses très concrètes qui sont vraiment intéressantes quoi. Et c'est quoi les références pour trouver avoir accès à tout ça? J'imagine que c'est Internet. Il suffit de taper co-create. On a un site qui s'appelle co-create.brussels. Sur lequel il y a les projets 2015 et 2016 qui sont repris, donc chaque fois avec une description des projets. Et pour les projets 2015, il y a déjà sur la page de chacun un onglet « Résultats des projets », puisque eux sont déjà terminés. Donc là, on a déjà accès un peu à tous les résultats sur ce site. Les projets 2017 ne sont pas encore dessus. Voilà, c'est en cours. Et alors, pour ceux qui voudraient présenter des nouveaux projets, il faut plutôt aller voir sur la page d'Innoviris, l'institution donc bruxelloise, qui est le bailleur. Voilà, et là, l'appel 19, par exemple, est en cours maintenant. Donc, il y a un appel ouvert qui se termine dans quelques semaines. Et puis, chaque année, en fait, a priori, mais ça, on verra, ça dépend de la disponibilité des fonds, évidemment, mais... A priori, chaque année, il y a un nouvel appel. Et puis alors, il y a toute une procédure de sélection. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Ce n'est pas très intéressant. Mais en tout cas, la seule chose qui est peut-être intéressante par rapport à cette procédure de sélection, c'est de savoir qu'il ne faut pas, dès le départ, avoir déjà tout bien fait, tout bien constitué. Les projets peuvent être financés pendant 6 mois. Avoir une petite enveloppe pour justement affiner avec les différents partenaires des projets les questions qu'ils vont essayer d'aborder, qu'ils vont travailler, mettre vraiment les personnes nommément dans le dossier. Donc voilà, tout ça, ils ont 6 mois en fait, ce qui est incroyable. Moi, je ne connais aucun appel où on a ce temps aussi bien financé pour vraiment tester déjà la validité rien que du projet. Après, on n'est pas encore en train de parler des résultats, mais voilà, là, ils peuvent voir, mais en fait, on avait une idée, mais en fait, non, ça ne prend pas. Alors après 6 mois, ça s'arrête, ce n'est pas grave. Ou bien, oui, et pendant ces 6 mois-là, on rameute les gens, on essaie d'expliquer le projet, on voit qui est vraiment intéressé, parce que comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas intéressé à se lancer dans une réflexion de ce type-là. Donc voilà, distinguer ceux qui sont intéressés par l'action, ceux qui sont intéressés vraiment par la recherche. Et voilà, donc ça, c'est intéressant à savoir aussi qu'on... Innoviris offre du temps aussi pour, même si 3 ans on peut dire que c'est court, mais il y a quand même 6 mois en amont. Pour compléter Laure qui dit tout le monde n'est pas intéressé de rejoindre ce type de projet, c'est aussi que ce type de méthodologie de recherche n'est pas pertinente pour tous les sujets. Donc il y a des sujets de recherche qui sont tout à fait... Pourquoi, par exemple, qui sont pas pertinents? Mais si tu veux vraiment faire une étude, par exemple, très spécifique sur... Enfin, je sais pas, un peu de dire des bêtises, mais tu pourrais... Ici, ce sont des projets qui abordent des problématiques très complexes, tu vois, qui impliquent beaucoup d'acteurs, souvent avec des liens sociaux, des idées de système. Si maintenant, tu voudrais faire un... qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Je pense, tu vois, une recherche très précise sur des plantes qui peuvent dépolluer les sols en région bruxelloise. Tu vois, tu peux imaginer que c'est une recherche beaucoup plus de type laboratoire ou champ expérimental où tu vas mettre... Voilà. Et donc là, on n'a pas besoin spécialement d'un processus de co-création qui va impliquer des citoyens, etc., etc. Alors que quand tu abordes une question, en effet, je sais pas moi, d'accessibilité à l'alimentation juste et durable ou d'une gestion citoyenne des bassins versants pour éviter des inondations en ville, ben là, on est dans des choses complexes où on n'est pas juste dans des dimensions techniques. Complexes, mais concrètes aussi, ce que je comprends. Tout à fait. C'est concret, mais c'est complexe. Et donc c'est important d'avoir les expertises de différentes catégories d'acteurs pour éviter justement d'avoir des gens qui vont penser comment gérer les bassins versants, machin, etc. Et puis qu'en fait, ça ne va pas du tout être adapté à ce que souhaitent les citoyens. Ou, enfin, voilà. C'est un peu pour éviter ce genre d'écueil qui est un décalage entre les résultats d'un projet de recherche et la réalité. Mais il y a des problématiques qui ne sont pas pertinentes d'aborder avec ça, quoi. Parce que parfois, on met un peu la co-création comme le Graal, que maintenant, on doit tous faire de la co-création pour tout, mais non. Il y a des fois, ça se justifie et parfois pas. Oui, et puis des fois, oui, on met l'étiquette co-créate et ça n'en est pas. Enfin, voilà. Mais on arrive à la fin. Si vous voyez des choses importantes qui n'ont pas été dites, c'est le moment. Mais j'avais encore une question. Et le fond? Donc, ça voudrait dire, sur tout ce qu'on a discuté là, que Bruxelles a, en tout cas dans sa politique, puisque l'argent politique, l'économique, donc il y a une idée dans Bruxelles de se dire quand même on met un fonds. Attention, un fonds, mais pourquoi exactement alors? Vous avez expliqué, hein, tout. On a bien compris, on était dans le concret, mais vous mettriez quoi comme mot? Un fonds, pourquoi? Pour changer la ville de Bruxelles, pour se mettre en situation de résilience, puisqu'on sait que ça va être galère, hein, avec tout ce qu'on entend, climat et tout ça. Vous mettriez quoi comme mot? Moi, je dirais pour trouver des solutions nouvelles à des problèmes qui se posent à la ville. En fait, pour moi, c'est vraiment de l'argent qui peut permettre à faire ça. Trouver des solutions nouvelles par rapport à des problèmes qui se posent aujourd'hui ou qui vont encore être plus préoccupants potentiellement demain. Oui, moi j'aurais dit pour améliorer le vivre en ville aujourd'hui et demain. Et voilà, bon, on peut terminer là-dessus. Et le fond, c'était quoi? Vous savez combien d'euros ce fonds? Vous n'avez pas le montant? Non, ça, il faut demander à Innoviris, donc on n'a pas le montant exact. C'est un montant annuel qui varie aussi en fonction. Voilà, ça, c'est des choses en interne au niveau des enveloppes budgétaires qu'Innoviris alloue en fonction des différentes actions qu'ils financent. Et donc, ça varie un peu d'une année à l'autre. Ouais, parce que la recherche, c'est quand même galère. Hein. Moi, j'ai souvent entendu que la recherche, c'était galère aujourd'hui. Et donc, dans notre gouvernement, là, en ce moment, il y a quand même une petite... C'est plus qu'une petite. Il faut savoir que cette action, elle est totalement innovante aussi, elle-même. Quasiment nulle part dans le monde, on a cette chance d'avoir des pouvoirs publics qui financent des recherches de ce type, vraiment ancrées dans la ville, pour essayer de faire avancer, parce que résilience, on en parle beaucoup, mais la résilience, souvent, dans les autres villes, c'est quoi? C'est des responsables administration et responsables politiques qui réfléchissent quels sont les grands enjeux et hop, on fait un plan d'action. Ici, c'est la démarche tout à fait inverse. On se dit, on part vraiment des quartiers, des micros. Souvent, les projets, c'est une rue. Et donc, c'est vraiment, il faut se rendre compte du potentiel totalement nouveau et du rêve un peu fou de cette action, finalement, de dire on met un paquet d'argent pour essayer de trouver des nouvelles façons de penser la science, de penser la ville, de penser le rapport entre les acteurs de la ville. Et voilà, donc c'est vraiment tout à fait louable. Et nous qui avons la chance de travailler là-dedans, on trouve ça tout à fait exceptionnel, vraiment. Ça, c'est vraiment bien que tu nous fais prendre conscience de ça pour les gens qui ne sont pas dedans, tu vois. Et alors moi, je vais compléter avec une vision un peu moins positive, qui est que, je veux dire, la région bruxelloise a des subsides pour la recherche. Et donc, mais l'action co-créée n'est qu'une infime partie de ces subsides. Donc ça reste vraiment, sans doute dans l'enveloppe globale, ça reste une petite enveloppe. Donc il y a en effet ce point de vue de c'est magnifique que ça existe. Et je pense que ça existe quand même aussi... Enfin, je pense que ça existe aussi grâce à Xavier Hulhoven, donc, qui est le responsable de l'action co-créée. Donc c'est lui qui a mis ça sur pied, qui a pensé ça. Et donc ça, c'est vraiment admirable. Mais je veux dire, à l'échelle des subsides de la recherche, de manière générale, ça reste très, très infime. Et donc ça demande aussi à être mieux connu. Il y a tout un travail à faire, et donc ça, on travaille aussi un peu là-dessus, de faire connaître ce type de recherche aussi dans les universités, de le faire reconnaître, parce que c'est pas toujours non plus vraiment reconnu en termes de légitimité de production des connaissances, etc. Et donc pour que ce type de recherche prenne de l'ampleur, parce que c'est pertinent par rapport à plein de problématiques de société actuelle complexe, comme on l'a dit, quoi. On termine, hein, vous inquiétez pas, c'est terminé. Mais est-ce que vous seriez d'accord de conclure en disant que c'est de la recherche c'est pas du business, en fait, cette recherche-là. Et donc, comme tu dis, c'est une infime partie du budget. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant et j'espère demain qu'elle ne se fera pas récupérer. Tout à fait d'accord. Pour l'instant, ça n'est clairement pas récupéré. Voilà. Les acteurs sont tous incroyablement autonomes. et indépendant. Et donc, il n'y a aucune récupération politique. C'est vraiment une administration qui gère ça. Et ça déplace aussi bien la façon de penser la recherche, mais aussi la façon de penser le travail associatif. Les citoyens peuvent aussi faire valoir. Donc, en fait, pour la ville, vraiment comme impact sur la ville, c'est du positif à tous les niveaux, quoi. Et c'est un point de vigilance pour nous aussi d'avoir cette dimension, comme tu as dit, maintenant je ne joue plus sur le mot du business, enfin qu'elle ne soit pas récupérée en optique business. Et donc ça, je pense que c'est ce que nous, on propose aussi au Centre d'appui de l'action co-create, c'est pour nourrir aussi cette réflexivité, pour éviter ce genre de travers. Bah, merci à vous deux alors, ça va. Merci.